La délégation gouvernementale de la République de Guinée équatoriale, conduite par Victor Granhé-Meyré, ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et des Vivres, a visité le Discouron, le palais du soleil de Kumsusan, pour formuler son hommage sublime aux camarades Kim Il-sung et Kim Jong-il.